Au plaisir des jours, quand passent les palombes, certaines belles terrières se brûlent. Au plaisir des nuits, quand les cigognes prennent leur vol, et j'ai une passion d'Alsacienne, on souffert d'avoir été partagé. Les jouissances sont des souffrances passagères au pays de l'Europe d'origine nationale. Le sang dans les veines a rougi suffisamment de peine pour que l'Alsace ait rejoint Saint-Moselle à une Mathilde aux deux visages. Au plaisir des jours, quand passent les palombes, certaines ailes terriennes se buent. Autrefois, un roi d'Espagne est devenu empereur germain. Comme un roi français de France et de Navarre, tandis que la révolte luthérienne était emportée au souffle des courages, tandis que les basiliques se sont construites au denier des marchandages de péchés verbeux. Patrick de Médicis, tout jeune, a appris à ses dépens. Au profit des ambitions papales, des familles de Toscane. Et si les histoires nationales étaient à réécrire, que ferions-nous de l'histoire européenne? Au plaisir des jours, quand passent les palombes, certaines ailes terriennes se brûlent. Au plaisir des jours et des nuits, à la recherche des temps perdus, les nuits portent conseil. Quand le soleil disparaît et que la poudre revient.